Ici Richard Hébert, maire de la ville de Debout-Mistassini et convaincu de l'importance du bleuet pour notre milieu. C'est donc avec plaisir que je vous invite à célébrer notre emblématique petit fruit bleu dans le cadre du Festival du bleuet du 29 juillet au 2 août prochain. Bravo à tous ceux qui rendent cet événement rassembleur possible depuis maintenant 55 ans. L'Intermarché Florent Lachance de Saint-Prime a tout ce qu'il vous faut pour profiter de l'été au maximum. Un département des viandes de qualité supérieure, supervisé par des maîtres bouchers à l'écoute de vos moindres exigences. Des fruits et légumes gorgés de saveurs à des prix compétitifs et un comptoir de mets cuisinés qui charme les palais les plus fins. L'Intermarché Florent Lachance, agent autorisé SAQ, est fier de commanditer la chronique du club de golf Saint-Prime sur le lac Saint-Jean et souhaite une bonne saison à tous. On va parler de golf avec notre ami Rémi Curtinus, c'est la chronique du club de golf de Saint-Prime. Salut Rémi. Bonjour Dani. Rémi, on va parler avant tout du gros week-end de golf. Vous vous préparez à grands pas. Oui, absolument. Ben c'est en fin de semaine. Ouais. Donc à partir du 31 juillet, vendredi, c'est l'Omnium Saint-Prime. Ouais. Avec en soirée le skin game Kevin Fortin-Simard, Pierre-Alexandre Bédard, Jonathan Lambert, puis on devrait avoir comme quatrième joueur le gagnant de l'Alexandre de Tunis puis le Duc de Kent de l'année passée. Oh. Donc un excellent joueur aussi là, au niveau du Québec. Okay. Bien sûr, le samedi, c'est ben le vendredi en soirée là, le skin game. Mm-hmm. Mais on est tout prêt là. On a un comité de bénévoles extraordinaire. Toutes les affiches sont prêtes. La sécurité, le stationnement là, on va avoir du monde attitré à toutes ces fonctions là. Vous vous attendez comme un joueur le samedi, on a quatre joueurs, mais là on attend beaucoup de personnes parce que On a plusieurs téléphones, des gens qui s'informent comment ça va fonctionner pour le stationnement. Oh. Est-ce qu'il y a un coût d'entrée? Alors c'est totalement gratuit. Mais là on est à planifier plus de stationnement. On est en collaboration avec la municipalité pour avoir accès au stationnement public. Puis si on pense avoir beaucoup de monde, on va mettre un système de navettes entre des stationnements publics et le club de golf. Mais c'est sûr qu'on prend tout le monde. Oui. Je veux dire que Kevin, il attire autant que ça? Sincèrement, là, je veux pas exagérer, Danny, mais on pense qu'on devrait avoir certainement 2-3 000 personnes. Fin de semaine au club de golf de Saint-Prime, 2-3 000 personnes pour voir Kevin Fortin-Simard. J'ai rien contre Kevin, c'est un bon Jack, Pierre-Alexandre aussi, c'est un méchant bon Jack, mais 3 000 personnes viendraient à Saint-Prime pour voir ça. Ben, si la température est bonne, le nombre de téléphones qu'on a pour s'informer, c'est extrêmement, je te le dis, extrêmement prometteur. Ouais. OK. Mais c'est difficile à évaluer le nombre de personnes qu'on a. 3 000 personnes, je veux pas dégonfler ta ballonne, Rémi, mais c'est du monde en temps. Tu sais. Regarde là, tout le monde. Ben, pas tout le monde, mais beaucoup de gens du Saguenay, beaucoup de gens du lac Saint-Jean, d'Alma, de Saint-Gédéon, plusieurs personnes de Chibougamau, plusieurs personnes de Québec, dont les parents, les amis qui vont venir voir jouer, notamment le champion du Duc de Kent et de l'Alexandre de Tunis l'année passée. Puis, moi, on me dit que la très grande majorité des membres de Dolbeau, de Saint-Prime, du Lac-Saint-Jean, de Arvida, de Chicoutimi, de l'Abbé, du Ricochet, puis beaucoup de personnes de Chibougamau devraient venir voir à jouer Pierre-Alexandre Bédard. Donc, on s'attend à avoir beaucoup de monde. C'est que on planifie même de la sécurité parce que selon le nombre de téléphones qu'on a, s'il fait beau, on veut prévoir aussi le stationnement. On veut bien l'organiser, mais regarde, peut-être qu'on va... Je veux pas dégonfler ta ballonne, Rémi. J'ai beaucoup de respect, puis mais 2 à 3 000 personnes. Hey, c'est du monde, là. On va s'en reparler la semaine prochaine. Non, je suis en vacances la semaine prochaine, dans deux semaines. Mais j'ai hâte à la prochaine chronique, parce que, mettons que j'ai des doutes, Puis tant mieux si tu défais mes doutes. Puis je suis bien content pour vous autres parce que le club de golf de Saint-Prime a arraché beaucoup. Mais 2-3 000 personnes, c'est du monde en tabarouette. Il y a les régates aussi, faut pas que tu oublies ça en fin de semaine. Oui, mais regarde, Danny, on a 6 estrades pour le concours de drive. Puis évidemment, pouvoir partir le skin game aussi, parce que les gens savent qu'on part sur le 10e trou. Alors, on a des prix pour ceux qui atteignent les verres en 1. Puis nous, on a quelques verres là à 330 et à 350 verges qui, en principe, on m'informe que les 4 joueurs peuvent atteindre ces verres-là. Alors, regarde, ça va être... C'est un show en même temps, là, parce qu'on a une rencontre avec eux autres vendredi en fin d'après-midi. On leur dit, oui, c'est un skin game, oui, on veut que vous gagnez de l'argent, mais on veut que vous donnez un show. Puis ils ont tous garanti par téléphone que on s'en va donner un show, mais on s'en va jouer au golf aussi. Garde-moi, là, je veux épater la galerie, j'ai besoin d'argent, puis je vais là pour gagner. Bon, ben, c'est quoi la bourse en passant? C'est quoi les bourses? 2000 au skin game, mais à l'Omnium, là, toutes les inscriptions sont données en bourse. Mais au championnat, là, du concours de la longue drive, là, je pense que, écoute, je te dis ça, c'est toute réserve, mais je pense que c'est 3 000 $ en bourse. OK. Ah, c'est bon. Je pense que je fais une édition spéciale la semaine prochaine pour voir le montant, parce que, hey, monsieur, que je trouve que vous y allez fort avec vos pronostics. Je ne voudrais pas que vous soyez déçus. Si vous avez 1000 personnes, ça, pour l'événement, ça va être beau. Hey, c'est, oui, effectivement. Ça va être... Effectivement. Nous, c'est ça qu'on voulait. On voulait un événement promotionnel pour notre club de golf. On voulait que le golf soit accessible à tout le monde, là, parce qu'on veut démocratiser le golf. Mais je le répète, Danny, puis je veux pas exagérer, mais selon le nombre de téléphones qu'on a, ça devrait être assez extraordinaire. En tout cas, je te souhaite la meilleure des gens. Hey, je veux te parler en passant, puisque tu parles de golf, puis tu parles de Kevin Fortin-Simon, c'est tranquille, là, ce sujet-là, je me le gardais pour quand que ça allait être tranquille. Le fameux club de golf à Saint-Prime, est-ce que c'est Kevin qui est là-dedans, il est impliqué? C'est pas à Saint-Prime, à Chambord, c'est-à-dire, est-ce que ça vous ennuie? Je veux avoir ta version des faits, là, pour toi, là. Ben, moi, je te dirais non, parce que c'est des amis, c'est des anciens joueurs du club de golf de Saint-Prime. Ils ont droit, eux aussi, à leur... On doit vivre. Même que moi, je pense que les gens qui jouent à Chambord, puis que là, ils veulent jouer sur des verres, puis là, je veux pas porter préjudice à Chambord, pas du tout, mais c'est sûr qu'ils ont pas la qualité des verres que nous avons en Saint-Prime, puis particulièrement cette année. Encore là, on s'est fait dire cette année que il y a des joueurs qui ont joué tous les terrains de la région, et le plus beau terrain cette année, c'est le club de golf Saint-Prime sur le lac Saint-Jean. Okay. Alors, les gens de Chambord qui veulent jouer sur un terrain de championnat, ben ils viennent à Saint-Prime éventuellement. Alors nous, on considère que c'est davantage complémentaire. C'est peut-être plus pour les débutants, vraiment les débutants, là. Hein, c'est ça? Oui, oui, oui. Mais tu sais, garde, les gens de Chambord te le diront mieux que moi. Mais regarde, c'est sûr qu'on a perdu quelques membres en début quand Chambord a ouvert. Mais pas suffisamment pour dire que on était en compétition. Au contraire, c'est un autre parcours de golf qui est davantage accessible au grand public. Puis c'est bien correct, parce que nous aussi, on veut démocratiser le golf. Puis moi, je pense qu'après ça, quand ils ont découvert le golf, ben ces gens-là sont même intéressés à venir membres à Saint-Prime, parce que là, on a des tee-offs, on a des fairways, et on a des verres qui sont davantage plus beaux que ceux à Chambord. Puis encore là, je veux pas dénaturer ni porter préjudice à Chambord en disant ça, c'est mes amis. Okay. Donc, mais de connaissance, est-ce qu'il y en a des gens qui ont commencé à Chambord puis qui sont venus membres à Saint-Prime, à ta connaissance, non? Oui, on en a au moins une douzaine. Ah, ben que c'est quand même pas si pire, pareil. Là. Ils vous ont pas de lui, là, bon. Dans le fond. Là. Non, effectivement. Puis, tu sais, les gens de Chambord, là, c'est les gens qui jouent à Chambord, c'est-à-dire, ils ont comment je pourrais dire ça, une camaraderie entre eux autres. Puis, c'est plus accessible parce que on n'a pas besoin de réserver de départ, contrairement à Saint-Prime. Donc, il y a des gens qui se présentent là, puis ils attendent 15, 20, peut-être une demi-heure maximum. C'est pas plus grave que ça. Alors que nous autres, il faut réserver d'avance. Alors, il y a une clientèle pour ça. Puis c'est correct. On respecte ça, nous autres. Effectivement. Bon, ben, fait qu'on s'en reparle bientôt, Rémi. Je sais pas, moi, je reviens. Moi, je suis pas mardi prochain pour les États-Unis, mais on va voir du baseball. Puis, ça va au Wrigley Field, à Chicago. Je sais pas si t'es un amateur de baseball, mais moi, je m'en vais à Chicago, à Cleveland, à Pittsburgh, à Détroit. Fait que, on va s'en reparler dès mon retour. T'sais. J'ai trop hâte de savoir le résultat. OK, ben, Danny, je te souhaite un super de beau voyage, bonnes vacances. Puis, effectivement, j'ai hâte de confirmer le nombre de personnes qui vont avoir. Tant mieux si vous m'avez menti, mais mettons que je suis très, très tomo face à ça, là. 2000 personnes, ben, c'est là, il y a les régates, il y a le festival du Bleu ici. C'est sûr que c'est pas la même clientèle, c'est sûr que c'est pas le même monde, mais c'est le monde pareil. Le dollar, c'est, vous touchez tous dans le même dollar loisir à quelque part, là. En tout cas, merci beaucoup, Dr. Rémi Curtis, le président du Club de golf de Saint-Brie.